Uncorks a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild step toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui chaque semaine vous parle de sport d'un peu partout à travers la planète. Je vous me présente, je suis votre hôte Nicolas Ducharme et à mes côtés on retrouve M. Pierre-Luc Giroux, ça va bien Pierre-Luc? Très bien. Ben oui, et de l'autre côté, M. Philippe Doucet? Oui. Oui. Alors, monsieur, ce matin, frisquet first, premièrement, disons-le. Ben, c'est au soleil, c'est pas tolérable. Ouais, c'est à l'ombre, là. Je me suis juste pas levé de bonheur de la semaine, donc je suis pas habitué qu'il fait froid comme ça. Ouais. Donc, c'est ça. Bon, on a une grosse émission, donc on va arrêter de parler de météo et de tout ce qui contient. Alors, à la météo, Colette. À la météo. Et de tout ce qui contient sujet pour faire du temps et non pas pour avoir de vraies discussions. Alors, ce matin, on a une grosse émission. On va parler de Phil, tu nous parles de foot. Pierre-Luc, tu nous parles de hockey junior. JP Grenier va joindre à nous vers 10h30 environ. Va nous parler de tout ce qui est finale de football scolaire. On le sait, c'était la grosse fin de semaine de football québécois. Il a passé proche. Et qui ont passé proche du côté de Sherbrooke. Jonathan Bernier va se joindre à nous aussi, parler de la défaite du Canadien d'hier et de plusieurs choses à travers le monde du Canadien de Montréal. Et moi, ben écoutez, allons-y tout de suite avec les Patriotes de l'UQTR, les Pats qui étaient en action la semaine dernière. Qui affrontait un seul match du côté des Pats. On le sait, on en dispute d'habitude deux. On s'en va en Ontario pour un seul aller-retour. C'était à Queens. Queens qui est à Kingston. Donc, c'est pas super loin, Kingston. À peu près 4 heures de route, 4-5 heures de route d'ici. Les Pats, bon, écoute, match en deux temps. Match en très deux temps, devrais-je dire. Après la première période, c'est 3-0 en faveur des Patriots. Début de Marc-André Laroche, Maxime Robichaud et Alexandre Demers. J'ai parlé un peu avec les entraîneurs et les joueurs. On a fait preuve d'un petit peu d'indiscipline du côté des Patriotes. Et ensuite, on en a rajouté beaucoup du côté de l'arbitre. Je vous avais parlé que le dernier match contre RMC, ça avait été une performance pitoyable de la part de l'arbitre. Eh bien, c'était le même officiel qui a été aussi pas bon qu'il l'a été là, il y a deux, trois semaines environ. Donc, de suite, là, 5 pénalités de suite du côté des Patriotes. Donc, beaucoup de jeux à des avantages numériques. On en profite du côté de Queens. Début de DeRushy, Jackson et... Ben, DeRushy deux fois, Jackson deux fois, devrais-je dire. Ils ont alterné ça. C'est 4-3 en fin de deuxième période. Donc, on est en train d'embarquer là-dedans. On doit faire preuve de caractère du côté des Patriotes. Et c'est ce qu'on réussit à faire en troisième période. On se ressource. Et c'est Jeff Desjardins qui fait son premier de la saison. J.S. Breton, Guillaume Chicoine et Maxime Lévesque dans un but à des avantages numériques, mais à filet désert, qui finalement donne la victoire 7-4 du côté du hockey. Fait intéressant du côté des Patriotes. Bon, premièrement, 1-3 en avantage numérique. Ça commence à remonter lentement, lentement mais sûrement l'avantage numérique. Fait intéressant, si je vous dis ces buts, on s'entend à ce que quelqu'un en ait au moins deux, ou comme dans le cas de Steven Stamkos hier, qu'on en ait trois, et trois buts, on en reparlera peut-être de ce match-là hier, mais quel match de fou, c'était à Philadelphie, entre le Lightning et justement les Flyers de l'endroit où ça s'est terminé 8-7, un match de Ligue de Garage, pour vous dire, ça s'est fini à peu près pareil hier dans ma Ligue de Garage de Bécancour, donc... Jean de Bécancourt et Jean de Malik de Garage que je salue au passage. Mais non, 7 buts, 7 marqueurs différents comme on a pu voir avec de ce que quand j'ai nommé les gens, tout le monde dans l'équipe a poussé, puis c'est ça que ça prend si on veut qu'une équipe aille bien, que tout le monde s'implique. Le meilleur, Pierre-Luc Lessard, Pierre-Luc Lessard de son côté, 4 passes pour le défenseur. Ça lui donne le titre de Patriot de la semaine. Donc 4 passes depuis le début de la saison. Ce produit du Drakkar de Bécomo cumule 1 but et 10 mentions d'aide. Qui est à sa deuxième session au baccalauréat en administration. Le sort qui s'était joint aux Patriotes à l'hiver dernier. Ça continue de son côté et c'est bien. On va aller écouter ses commentaires d'après la rencontre de cette victoire de 7-4 contre les Golden Girls de Queens. Ouais, ben personnellement, moi, ça a bien été, là, et je pense que ça faisait un bout que je cherchais à produire offensivement, puis il n'y a pas grand-chose qui marchait, donc un match de 4 points, ça fermait toujours ses rangs, et puis je pense que ça fait du bien, là. T'as trouvé ça comment, la performance? En fin de semaine, je regardais ça, à peu près 90% de l'équipe a un point, là. Comment t'as trouvé ça, la performance de tout le monde? Ben, c'est sûr qu'offensivement, tout le monde a bien produit, mais je pense que on a quelque chose à régler côté discipline, parce qu'on est indiscipliné un petit peu, puis c'est ça qui nous a coûté peut-être une remontée de la part de l'autre équipe, mais je pense que honnêtement, côté offensif, on était bien, mais il reste des choses à faire côté défensivement. Alors, c'était Pierre-Luc Lessard et ses commentaires après la partie contre Queens. On peut voir du côté des Patriotes que tous les problèmes ne semblent pas être totalement réglés. On cherche encore un petit peu comme équipe, on cherche notre style de jeu. Ça commence lentement mais sûrement à rentrer. L'équipe est 7-4 depuis le début de la saison, en 11 matchs bien sûr. Au classement. Ils sont devancés par contre en première position McGill 12-0. Ça ne dérouge pas pour McGill. Écoutez, McGill, là, on accorde 1 but par 3 buts. Donc si on compte 3 buts, on en accorde 1 en retour. On en a compté 75, on en a accordé 25 depuis le début de la saison. C'est une équipe qui va être difficile à battre cette année, McGill. Et une équipe qui n'est pas nécessairement disciplinée. On parle de la plus punie dans la division S des sports universitaires de l'Ontario. Ils sont devancés tout juste par Waterloo dans la SUO au complet. Waterloo qui a à peu près 100 minutes de plus que tout le monde. Presque 100 de plus que McGill. Donc pas beaucoup de discipline du côté de Waterloo. Vient en deuxième position. Concordia, Carlton en troisième et Ottawa. Carlton qui s'amène ici ce mardi. Donc, on va devoir faire attention du côté des Pats et qui sont en cinquième position, tout juste devant Nipissing. Cette fin de semaine, je vais vous parler des marqueurs à date. Qui s'illustre le plus du côté des Patriotes? C'est bien sûr Étienne Bellevance-Martin qui a 19 points en 11 matchs et Francis Charlin qui en a 18, mais en 9 matchs, on sait qu'il a manqué 2 matchs suite à une commotion cérébrale. Le meneur au classement, c'est toujours Carl Harlin d'Ottawa qui a 28 points. Francis Véropol au deuxième rang avec 25 points. Je vous parle maintenant, du top 10. Du côté du top 10 canadien, les pandas de l'Alberta, pas les pandas, c'est la version féminine, les Golden Bears, petite différence, de l'Alberta toujours premier, McGill deuxième, McGill pas de défaite, Alberta une défaite, mais on considère du côté des gens qui votent que la conférence de la Mountain West la Canada West plutôt, est plus forte. On constate aussi que la conférence de l'Atlantique est plus forte, ce qui explique que les équipes s'y retrouvent. McGill en deuxième position, l'Université du Nouveau-Brunswick en troisième position et Western Ontario qui vient fermer la marche en quatrième position du côté des SUO. On peut parler aussi de Concordia qui est en dixième position. Donc Concordia, vraiment, bonne petite saison. Depuis le début, là, on peut pas dire que ça va pas bien du côté de Concordia. Ça va très bien. En fin de semaine, messieurs, on affronte Windsor. C'est une équipe que les Patriots ont pas beaucoup joué. Les Lancers, à vrai dire, on n'a jamais joué contre eux, sauf 2 matchs, je pense, pré-saison, ce que Jacques Laporte m'a dit. Donc, on va aller écouter les commentaires de Jacques par rapport à ce qu'on s'attend à avoir comme opposition du côté de Windsor. Pas facile, une équipe qui accorde pas beaucoup de buts. Hein. Ouais. On les a pas joués. Écoute, moi, en 13 ans, là, on n'a jamais joué là, sauf 2 matchs en concours il y a 12 ans. Donc, on les a jamais joués ni chez nous, ni à l'extérieur. Donc, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, sauf les informations, là, sauf que ce qu'on peut voir sur sur les vidéos là, ben, qu'on a de la Ligue, là, mais qui ne disent pas grand-chose encore là. On va se concentrer sur ce qu'on a à faire nous autres, en étant conscients qu'ils ont sûrement une bonne défensive, donc il va falloir trouver le moyen de faire ci, cette défensive-là pour compter des buts, parce que c'est pas évident, deux matchs là, au bout du monde. Là. Très bien dit de la part de Jacques Laporte, deux matchs au bout du monde totalement. 15 heures d'autobus, c'est de bonne heure. 15 heures d'autobus, tant que ça, Windsor? Ouais. Parce que ouais. Windsor, c'est collé sur Détroit. Mais là, tu m'as stiné la semaine passée, ça, là, mais là, je suis pas mal sûr que j'ai raison. Windsor, c'est vraiment Détroit, c'est le pont, là. C'est face à face. Face à face, dos à dos, tirez-vous la main, changez de place. 15 heures, par exemple, c'est long. Là, ouais, je pense que... Qu'on continue là, votre brain jazzette. Tu roules à comment? Je vous surveille. Tu roules à comment sur l'autoroute? Mais à l'envers, comme tout le monde. Donc, c'est pas mal ce qui conclut les activités du côté des Patriotes. C'était une petite semaine, comme on a pu le voir. Hey, je veux saluer ce matin les gens qui dorment. Donc, je sais pas pourquoi je les salue, parce qu'ils sont au sommeil, je l'espère. Les gens qui ont participé à la nuit sportive ici à l'UQTR, qui est une activité, je pense, pour ramasser des fonds. Je crois que je devrais... Il y a même des gens qui avaient des cours ce matin. Oui. À la nuit sportive hier, il y avait des cours ce matin. On va expliquer ce que c'est la nuit sportive. C'est qu'on vous fait du sport. Je ne sais pas c'était quoi le sport exactement. Je crois que les gens l'apprenaient là. Multisport. OK. De la corde à danser. Natation, etc. Soccer. Jeu de poche. En voiture, on dit 11h41, Trois-Rivières-Windsor. Donc, en autobus, rajoute les 4 heures nécessaires. Pas toutes. Oui. Mais... Effectivement, c'est à Détroit. Ouais, c'est à Détroit, je sais, c'est l'autre bord, c'est l'équivalent, c'est le Bécancour. C'est le Bécancour de Trois-Rivières. C'est le Lévis de Québec. Donc, on faisait du sport sans arrêt de 10h hier soir à 6h ce matin. Félicitations à vous, ceux qui sont pas encore couchés, allez vous coucher, mais pour les autres qui sont couchés, félicitations à vous pour vos efforts. On s'en va en musique, on s'en va écouter Martin Priorité avec la chanson Les gars sur la piste de danse. Et au retour... on va parler d'un petit peu de nouvelles qui concernent le sport à moi aussi. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou! la plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de trou, puis je vous suspends tout. Va écouter l'hymne national! Le conduit de partie. Et alors, c'était Martin Priorité avec la chanson « Les gars sur la piste de danse ». On y va avec quelques petites nouvelles de la Mauricie. Tout d'abord, la grosse nouvelle qui est venue retenir l'attention d'hier, hier, la série Indy Lights qui sera de retour au Grand Prix de Trois-Rivières. On le sait, Grand Prix de Trois-Rivières qui, année après année, doit jouer avec ses séries. Lesquelles séries vont venir se présenter dans la capitale trifluvienne? On sait que l'an passé, c'était un petit peu plus petit comme présentation. Seulement la Star Mazda et la NASCAR Canadian Tire. Néanmoins, excellent quand même. Ah oui, oui, ça, ça, je remets zéro sans question. Mais je veux dire, au niveau... Disons qu'on avait perdu la Formule Atlantique, donc qui a disparu, et non pas parce qu'il ne voulait plus venir ici. Et l'Indy Lights, bon, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas le calendrier de l'Indy Lights, un peu le qu'est-ce que est l'Indy Lights, c'est un peu la ligue américaine plutôt de la Champ Car, l'Indy Car, l'Indy Racing League, là, qui s'amène ici. C'est plus fort comme bolide que l'Atlantique en plus. Ça ressemble, écoutez, allez voir les images un peu sur Internet, ça ressemble un peu, une vieille Champ Car un peu dans les années début 2000-2005 environ. Ça ressemble aux bonnes vieilles Players, là. Les voitures Jacques Villeneuve a fait... On a-tu le droit de dire le mot? Players? Ouais. Je sais pas. Okay. Ça paraît mal au bureau. Non, on tombe pas là-dedans. Périsse, mais oui, il est bon, ce sketch-là. Oui, c'est en effet... Il y a déjà eu de l'Indy Lights ici. La dernière fois qu'il y a eu de l'Indy Lights, c'était en 98. C'est d'ailleurs la voiture qui tient encore le record de piste. Exactement. Une Indy Light, oui. Ouais, donc... beau travail de la part de toute l'organisation du Grand Prix d'aller chercher ça. On va aussi aller chercher d'autres séries. On va aller chercher une série de prototypes, la Spec Racer Ford Pro, qui est un peu comme ce qu'on peut voir. Ben, un peu, là, je vous dis très un peu, mais au niveau forme de modèle, ce qu'on va retrouver aux 24 heures du Mans, c'est-à-dire cockpit ouvert, mais avec roues fermées, sur certaines voitures du 24 heures du Mans, là, j'ai pas de nom exact, là, mais comme un peu en deuxième division, là. Mm-hmm. Si on veut. Non, c'est pas vrai, il y a la Audi qui est comme ça aussi. Donc, certains modèles de tout ça. Et puis, Alec, du côté des estacades, Midget 3A. Oui, donc les estacades, la fin de semaine dernière, qui avaient deux matchs. Tout d'abord, vendredi soir, ils étaient du côté du Collège Notre-Dame. Ils l'ont apporté par la marque de 6-4. Maxime Saint-Cyr et Samuel Landry ont inscrit chacun deux buts dans la victoire. Ensuite, dimanche, ils étaient du côté de Joliette pour affronter le collège Esther Blondin. Et ils se sont inclinés là, 5-4 en fusillade. Eux qui avaient pris les devants là, tôt dans la partie, finalement, l'équipe du collège Esther Blondin qui ont remonté la pente et l'ont emporté 5-4 en fusillade. Et ce soir, ils reçoivent la visite du Blizzard du Séminaire Saint-François. C'est du côté du collège Alphonse Desjardins. Du côté du Caron-Aiguë, c'est une défaite vendredi dernier par la marque de 6-5 face au Marquis du Saguenay. Du côté de Trois-Rivières, les meilleurs, devrais-je dire, beaucoup de joueurs avec deux points. Mais on peut passer à Marc Bocage, entre autres. C'était Julien Lys, l'ancien des Cataractes et de plusieurs équipes, là, qui était devant les filets aussi, échange à la Ligue nord-américaine. Donald Brashear, qui passe du côté de Rivière-du-Loup, va devenir un looper-revient. Looper-revient, en tout cas. Un loup. J'ai déjà eu une argumentation avec une fille de cette région-là que j'appelais la Louve. Je me disais, tu sais, c'est l'honoré. Elle va aimer ça. Ben là, ça va que non. Ça va que tu sais pas ce que tu dis. T'as tant de talent avec les dames, Nicolas. Ben, je t'en coupe. C'est pas utile. Hey, du côté de la Ligue collégiale, Ligue collégiale masculine, hockey collégial, le Collège de la Flèche, les Dragons du Collège de la Flèche, qui disputait un match face au Collège Harrington au pavillon Claude Mongrain, c'était vendredi dernier aussi. Ça s'est terminé par la marque de 13-4 du côté du Collège de la Flèche. Et même, je te dirais, Harrington n'ont pas eu facile parce qu'ils ont marqué deux buts alors qu'il ne restait que 3 minutes au match. Donc, À vrai dire, la marque était réellement de 13 à 2. Donc, comme on dit, une bonne dégelée. Au niveau du classement, du côté des Dragons, on est en milieu de classement. On occupe la 5e position avec 14 points. Devant nous, on a Alma et le collège Champlain-Saint-Laurent, Sorel-Tracy, toujours au premier rang. Donc, as-tu déjà été du côté de la défaite humiliante comme ça? Comment? As-tu déjà été du côté de la défaite humiliante? Ah oui, ouais. J'ai déjà perdu un 17-4. Là. Ah, 17-0, moi. 17-0, ouais, c'est pénible. Je m'alignais avec l'école secondaire Mont-Bénil pour le seul tournoi puis de hockey. Gardien que, de but, non, hein? Non. Ah. J'étais lié quelconque, là, gauche ou droite, je ne sais plus trop. Okay. Puis non, j'avais pas à moitié de mon équipement. Puis à toutes les périodes qu'on revenait, l'arbitre me disait, là, il faudrait que tu trouves du stock. Puis là, le prochain coup, je te laisserai pas jouer. Puis, finalement, j'ai fait tout le tournoi. Et tout le tournoi, les deux matchs, parce qu'on a eu un 17-0 et un 11-0. Donc, Écoute, je vais te dire, je me souviens qu'en secondaire 1, j'ai évolué avec l'équipe de soccer de mon école secondaire. Et c'était un nouveau programme, tu comprends. Et si certains n'avaient pas de spike, de souliers cloutés dans les pieds, d'autres ne connaissaient pas tout à fait les règlements du soccer. Alors, une bonne défaite de 12 à 0 au foot. Au soccer, c'était pénible. Notre gardien a eu carton rouge parce qu'il perdait son soulier quand il donnait des pieds. C'était pénible, très pénible. Alors, on s'en va une pause. Au retour, Jonathan Bernier se joint à nous. On va parler de la défaite du Canadien de Montréal d'hier soir. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. C'est fou, ça. À Mexico. 89.1. Sur le net, au cestfou.ca. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Hey, c'est Batman et Robin, ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Shoot the best things in life. Go up and down. Will the world be back? Gotta push it down. Et c'était Mister Valeur avec la chanson Gumshoe. Se joint tout de suite avec nous en studio, M. Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, vous autres? Ah ben oui, ben numéro oui. Un. La petite vie, là, comme d'habitude. Là. Bon, merveilleux. Hey, Jonathan, pas une grande performance de la part du Canadien hier soir? Non, pas une grande performance. En même temps, c'est des choses qu'on voit souvent, là, je pense. Ouais, c'est un peu à prévoir, là. C'est un peu à prévoir, puis c'est pas seulement dans le cas du Canadien. Ça arrive souvent pour les autres équipes aussi. Quatre grosses victoires consécutives, dont deux par jeu blanc contre des équipes assez puissantes, là, Vancouver et Philadelphie. Donc ça arrive qu'après un match émotif aussi, comme c'était le cas contre les Flyers, ouais, un petit relâchement, mais en même temps, la parité est tellement grande dans cette ligue-là que c'est des choses que tu peux pas te permettre, puis que tu te fais souvent ramener sur le nez là, quand ça t'arrive. Mais ça a quand même été, du côté de Carey Price, encore une fois, pas l'homme à blâmer. Non, une très bonne sortie. Écoute, en première période, là, il a tenu son équipe dans le match. Là, il a reçu, si je me trompe pas, là, ses 16 lancés. Puis il était parfait encore une fois. Puis en même temps, on peut pas dire non plus que le Canadien est sorti si amorphe que ça. En commençant le match, on a vu Piqué Souben servir de mise en échec à Jordan Tutu. Sur la même présence, Alex Picard renverser Joel Ward le long de la rampe. Donc le ton semblait être donné pour encore une bonne sortie du Canadien. Malheureusement, il y a eu, comme je dis, un petit relâchement. Donc l'effort était là. C'est peut-être que le Canadien a peut-être mal fourni son effort. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec Mike Camilleri après la rencontre. Puis je considère que c'est lui qui a peut-être le mieux résumé la situation. On peut l'entendre à ce sujet-là, puis je vous reviens après sur mes impressions sur son commentaire. Yeah, well, I don't think anyone in this room is taking night off. You know, we're all working as hard as we can, and we didn't play well tonight for whatever reason. And you know, just because you're working hard doesn't mean your determination or focus level is where it needs to be to win. You know, and compete in little situations on the ice and end up with victories. Donc, c'est ça, en gros, lui, ce qu'il disait, c'est que t'as beau travailler, mais si tu travailles en innocent, c'est pas plus efficace. Lui, ce qu'il reproche, c'est une belle leçon de vie, là, quand même. Là. Parce que mon père me l'a souvent dit, là, tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme tout le monde, ouais, c'est sinon, fais-le pas. Donc, lui, ce qu'il reprochait à ses coéquipiers, c'est ça, c'est les bagarres le long des rampes pour la rondelle. Le Canadien n'est pas sorti souvent vainqueur sur ce plan-là. Peut-être un manque de d'intensité en direction du filet pour prendre les retours. Donc c'est ce que lui reprochait à sa gang. Parce que le Canadien a eu des chances quand même. On a vu Maxime Lapierre, tu sais, je parle de retour, là, on a vu Maxime Lapierre à une belle occasion, a été volé par quand même un brillant arrêt de Pecorine. Qui a connu un fort match hier. Qui a connu un très bon match. Il y a Jaroslav Spacek aussi, excuse-moi, qui s'est présenté seul devant lui à un moment donné. Je pense qu'il a été lui-même surpris. Puis il savait plus quoi faire avec la rondelle, on dirait, comme s'il s'était débarrassé du disque. Donc ça a bien été, moi je considère que ça a bien été jusqu'à à peu près au milieu de la troisième période. Je considère que le Canadien est resté dans le coup jusqu'à ce moment-là. En fait, jusqu'au but de Kyle O'Reilly, là, le but avec le patin, qui était bon selon moi parce que c'était dans sa notion de freinage. Là, j'ai pas eu de problème avec la décision des juges vidéo. Donc ce but-là a porté la marque 2-0. Puis Alex Picard, de son côté, lui, pense que c'est ce but-là finalement qui a brisé les reins du Canadien puis qui a changé le vent de côté pour le reste du match. Ben, je pense que c'était dur parce que les 7-8 dernières minutes avant ça, c'est nous qui avions le momentum. On a eu beaucoup de chances de compter. Puis quand il y a un but comme ça, ça te coupe les jambes un peu. Je pense pas que les gars ont abandonné non plus, mais c'est sûr qu'à 3-0 comme ça, c'est jamais le fun. Puis on veut gagner toutes les parties. On veut que nos partisans soient fiers de nous. Bon, on veut que nos partisans soient fiers de nous. C'est le cas depuis le début de la saison, je dirais. Je pense pas que les gens soient vraiment outrés de la conférence de performance d'hier, là, assez pour oublier le reste de l'année. Là. Écoute, Jonathan, quand je regarde le classement, le Canadien est présentement au troisième rang avec un point de retard sur Philadelphie, mais un match en main. On est loin des prédictions début de saison où on affirmait chez les experts et je me souviens pas ce que toi t'avais dit par contre là, mais que le Canadien se battrait pour une place en série. Ben, c'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais placé au huitième rang. Mon gros doute, c'était sur la brigade défensive du Canadien. Je me demandais bien comment. Si on l'avait vu dans le camp d'entraînement, on en parlait, là, les Spacek qui avaient des difficultés, Amerlik qui a commencé le camp sur la touche. Là, on savait pas Markov quand est-ce qu'il allait revenir. Puis en tout cas, c'était plein de points d'interrogation. Puis en tout cas, les points d'interrogation, en grande majorité, se sont résous par eux-mêmes. Donc là, en tout cas, il y aura juste Markov. Là, on irait savoir là, ce qui arrivera de lui. Et aussi, juste avant de passer au sujet de Markov, là, je m'en vais à l'entraînement après vous avoir parlé. On va aller aux nouvelles de Yaroslav Pacek pour voir comment se porte son nez ou sa bouche. On ne sait pas trop ce que tu fais à la bande. Il mange à la bande comme ça, c'est... Ouais, mais quand j'ai vu l'image, là, ça m'a tout de suite rappelé Steve Bégin il y a quelques années. Hein? Bégin qui est revenu dans la partie « Mets-moi une grille » puis « Let's go, on repart ». Ouais, exact. Ce qui avait été assez cocasse aussi avec Steve Bégin, c'est que juste avant le match, il avait déclaré qu'il allait vraiment manger les bandes ce soir-là. Ouais. C'était effectivement le cas. Il a mangé de la soupe après, par exemple. Exact. Mais dans le cas de Pacek, je pense que en tout cas, ça me semblait moins pire. Là, on dirait pas que les dents lui ont planté dans la barbe comme ça avait été le cas avec Bégin. T'as une belle analyse. Donc, ben, en tout cas, selon les angles que j'ai vus. Donc, ben, en tout cas, à partir de là, on va voir ce qui va arriver de Weber. Là. De Weber qui a été rappelé hier, c'était surtout pour... c'est parce qu'on ne connaissait pas la situation avec Josh Georges, s'il allait jouer ou pas. Donc là, le cas change et on va se concentrer sur Spacek pour voir la suite des choses avec le rappel de Weber. Un qui doit être content d'avoir remporté le match hier, ça doit être Francis Bouillon. Mais Francis Bouillon, il a révélé après la rencontre qu'il avait mis un petit peu d'argent sur la table. Puis il a lui-même participé au pointage avec deux mentions d'assistance. Donc ça, c'est ce qui s'appelle suivez-moi, là, suivez mon exemple, puis je vais vous mener à la victoire. D'ailleurs, il a été nommé la troisième étoile du match. Puis j'ai bien aimé la réaction des partisans du Canadien. Aussitôt qu'il y avait qu'on annonçait une mention d'assistance à Francis Bouillon, les gens l'applaudissaient chaleureusement. D'ailleurs, il a été nommé troisième étoile. Ça a été nommé troisième étoile. Ça a été le même cas lorsqu'il est apparu sur la glace pour accepter sa nomination à titre de troisième étoile. Les gens se sont levés debout. Puis lui, il a bien remercié la foule là, en leur faisant des petits saluts, là, en montrant toute sa reconnaissance. Donc, un bon bonhomme, ce Francis-là. Puis on est bien content pour lui. Ah non, c'est ça. C'est le... pas le genre de joueur que... Il n'est pas comme l'autre ancien Canadien qui évolue avec Nashville. Non, lui, d'ailleurs, on l'a pas vraiment vu hier. C'est invisible. Il y a une pénalité, c'est pas mal ça. Fidèle à son habitude, invisible. Invisible. Mais je sais pas pour vous, mais moi, tant qu'en perdre une, je suis quand même bien content qu'on ait perdu contre Nashville. C'est pas deux points qui s'en vont soit à Toronto ou à Philadelphie. Non, les prochains matchs. Une équipe de l'Association de l'Ouest, toujours moins fatigant là, en fin de la saison. C'est moins coûteux. Surtout qu'on sait qu'il va probablement avoir beaucoup d'émotions dans les deux prochains matchs. Donc, ça risque de donner un peu de plus aux Canadiens. Ça peut-être justement, on met les choses à la base, puis on repart tout de suite fort pour ce samedi. Écoute, Jonathan, tu peux nous parler du match du samedi qui est contre les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto, c'est toujours des bons matchs contre les Maple Leafs avec la gang de partisans de Toronto qui suit habituellement. Donc, même dans les estrades, tu vois, il y a de l'action. C'est ça, je m'en ai dit, l'ambiance qui est tout à fait assez spéciale pour avoir vécu ça. Une défaite du Canadien 5-1 au Centre Bell. C'était pénible. Nana Goodbye survient en fin de troisième à Montréal. Ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil du partisan. C'est ça. Depuis le début de la saison, Toronto, c'est une équipe quand même assez étrange, je dirais. Ils ont commencé la saison de façon surprenante avec 4 victoires en autant de matchs. Après ça, sont revenus, si on veut, à l'équipe à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire une victoire en 12 rencontres. Et là, présentement, ils sont sur une séquence de 2 victoires, là, dont une survenue mardi contre ces mêmes prédateurs. Là, ils perdaient 4-1, ils ont gagné 5-4. Donc, ils ont monté beaucoup de caractère. On verra pas Jean-Sébastien Giguère. Jean-Sébastien Giguère viendra pas. Ce sera pas un autre Québécois qui va venir hanter le Canadien demain. Blessé à l'aine, justement, dans le match de mardi. Il devrait rater. On parle d'une absence de entre 4 et 6 semaines. Il y a également Dion Faneuf qui est blessé à une jambe, donc de ce côté-là, ça devrait être un peu plus tranquille du côté de la robustesse. Même chose pour Colby Armstrong, donc deux gars qui ont l'habitude de brasser pas mal et qui sont absents du côté des Leafs, ce qui peut sans doute être un plus pour nos amis du Canadien. Est-ce qu'on devrait rappeler un défenseur? On a rappelé Yannick Weber. Est-ce qu'on pourrait aussi rappeler Alex Henry pour ce match-là, d'après toi? Honnêtement, je sais pas. Je sais que Jacques Martin aime bien compter sur 7 défenseurs. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que ça va dépendre de la situation de Spacek. Là, on va en savoir plus aujourd'hui. Je serais pas surpris qu'il en rappelle un, mais en même temps, est-ce qu'on le rappelle? Malgré qu'il joue contre Toronto et Philadelphie pour le match suivant, ça pourrait être une option. Effectivement, là, si Spacek a une absence un peu plus longue que ce qu'on pense, ça pourrait effectivement être une bonne option pour contrer les gros joueurs des Maple Leafs et des Flyers. En tout cas, parce qu'on on s'attend à ce que ça brasse, mais en même temps, c'est arrivé souvent que les joueurs ont parlé beaucoup avant un match pour préparer la prochaine partie, puis finalement, il se passe rien dans ce genre de match-là, mais faut peut-être mieux prévenir que guérir dans ce cas-ci. En effet. Juste pour finir la semaine, écoute, on a une visite rare là, mardi. Les Kings, mercredi, c'est-à-dire, c'est mardi ou mercredi? Je pense que c'est mercredi, mais attends une minute, je vais te dire ça. Écoute, pendant que tu continues, je te sors cette information-là. Parce que j'ai un petit blanc, mais oui, c'est ça, une visite rare, là, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que les Kings. C'est mercredi? Attends, écoute, Jonathan, faut que je décrive ce que je viens de voir. Philippe qui s'empresse de sortir son portefeuille et qui sort la cédule du Canadien qui est bien pliée dans toujours son portefeuille. Toujours pratique, ça sort au moins 2-3 fois par semaine. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte son iPhone de ses poches. Non, il sort le petit calendrier. Le bon vieux papier, les gars, le bon vieux papier. Donc, c'est ça, une visite une visite rare, là. L'an dernier, ils ne sont pas venus. C'est une équipe que le Canadien rencontre une fois par saison, puis l'an dernier, ils se sont rendus à Los Angeles. Donc, écoute, une équipe qui a connu du succès l'an dernier puis qui a recommencé de la même façon cette année. Ils sont présentement en deuxième dans l'Ouest. Une équipe relativement jeune avec les Kopitar, Johnson et Doughty. Donc, une équipe qui devrait avoir un bel avenir. Puis, on a profité de cette belle jeunesse-là pour ajouter quelques vétérans pour pallier le côté expérience. Ryan Smith qui joue encore du bon hockey. Ryan Smith qui joue encore du bon hockey, qui est toujours là. Et Justin Williams, qui est un peu plus jeune, mais qui est quand même un vétéran là, qui mène la colonne des pointeurs pour les Kings. Dernier choix dans mon pool en 25e ronde. Et quel choix heureux. Je suis sûr que C'est souvent les choix de dernière ronde qui rapportent le plus. Et Justin Williams est probablement le joueur le plus sous-estimé dans les pools de hockey qui peut depuis plusieurs années, tout le temps, comme un métronome un peu, va tout aller chercher ta saison. Qui a de l'allure là, à 50-60 points là, environ. Là, donc, ça continue pour lui. Là, et éventuellement, il va se faire récompenser. Là. Je lui souhaite, en tout cas, par un beau petit contrat. Là. dans le filet, écoute, c'est Jonathan Quick là, qui fait un travail impeccable. Une moyenne de 1,73, troisième dans le circuit, puis un pourcentage d'efficacité de 93,6, là, ce qui donne le cinquième rang. Jeune homme de 24 ans, un autre jeune qui en est à sa troisième saison. Donc, l'avenir est prometteur sous le soleil de la Californie. Exactement. excuse-moi. Jonathan, en terminant, parle-nous un peu de la nouvelle édition, la dernière plutôt édition de Rue Frontenac qui est sortie hier. Hier, effectivement. Écoute, la semaine dernière, on n'a pas pu se parler parce que j'étais à Boston. Oui, en effet, on voulait pas. Donc, pour me faire pardonner, je vous ai ramené des clips de deux joueurs que j'ai rencontrés, les deux Québécois, en fait, de l'équipe, Patrice Bergeron et Jordan Caron. C'est des entrevues que j'ai faites avec eux pour Rue Frontenac. Là, ça paraît, comme tu dis, depuis hier dans les kiosques journaux. Les Bruins connaissent un bon début de saison. Ils sont présentement un point derrière le Canadien avec, je pense, deux matchs en main. Début de saison, je dirais, surprenant, surtout du fait que, Tim Thomas a rebondi de belle façon après avoir connu une saison désastreuse l'an dernier. C'est aussi surprenant parce qu'il y a quelques éléments importants des Bruins qui sont blessés, dont Marc Ostrom et Marc Savard. Ce qui est triste dans le cas de Savard, puis j'en ai parlé avec Patrice Bergeron, ce qui est triste dans le cas de Savard, c'est que l'an dernier, on se souvient de la mise en échec qu'il a reçue de la part de Matt Cook là, au mois de mars. Il est revenu durant les séries, il était suffisamment remis pour participer à 7 matchs de séries éliminatoires. Et puis au cours de l'été, il recommence à avoir des symptômes post-commotion. Ce qui fait qu'il n'a pas participé au camp d'entraînement, puis que là, il est encore en remise en forme, il a encore des symptômes. Il n'a pas voulu nous parler à Boston parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, si on veut. Là, il est encore un peu mêlé. Donc ça, c'est très triste. Puis moi, j'ai posé la question à Patrice Bergeron. Quand tu vois ça, là, est-ce que tu te sens chanceux d'avoir pu te remettre complètement de ta commotion cérébrale à toi? On peut l'écouter. Sans penser aux joueurs de hockey, je pense à Marc Savard, la personne en ce moment, puis... je veux dire, mon support est là, puis c'est sûr que c'est difficile à voir, puis ça prouve à quel point ces blessures-là sont difficiles à gérer, puis c'est jamais les mêmes choses qui arrivent pour personne. Les symptômes peuvent différer d'une personne à une autre, puis c'est justement ça qui est difficile dans cette situation-là. Fait que, comme j'ai dit, mon support est là pour lui, puis on espère juste qu'il va qu'il va revenir en bonne santé. Quand tu vois ça, est-ce que tu te considères chanceux, justement, que toi, ça s'est réglé quand même? Ah, c'est sûr, je me considère extrêmement chanceux. Puis, je dis souvent, je remercie beaucoup là, la vie de m'avoir permis, justement, de revenir à 100%, puis que les choses soient bonnes, puis que je sois en santé. C'est ça, je pense que cette blessure-là, ça change une vie. En dehors du fait de jouer au hockey, ça change vraiment la vie. Puis on voit qu'il semble aussi plus, je dirais pas plus serein, mais en tout cas, il remercie beaucoup la vie, comme il dit. Puis on voit que ça l'a vraiment changé dans son minding. Là. C'est ce qui me fait dire, c'est, si tu disais que Marc Savard était prêt à revenir au jeu en série du marathon, mais c'est avec les commissions célébrales, on est en train de se rendre compte que c'est quoi être prêt à revenir au jeu, parce que on a l'impression que si tu brasses ça un peu, tu penses que t'es prêt, mais tu brasses ça un peu, ça retombe, tu retombes encore plus bas que t'étais. Donc, il va peut-être falloir qu'on fasse encore, qu'il y ait encore plus de précautions, qu'il soit prêt avec des commotions cérébrales. De précautions et de recherche, je pense que c'est encore une blessure méconnue. Le cerveau, il n'y a pas beaucoup. Oui, il y a de la recherche là, dans différents domaines, mais je pense que dans le domaine de la commotion cérébrale, on est encore peut-être loin d'avoir résolu le problème et de trouver la guérison parfaite. Donc, et tu t'étais aussi entraîné avec Jordan Caron, tu me disais. Oui, bien, c'est ça, sur un plan plus léger, là, Jordan Caron. En fait, il y a deux recrues chez les Bruins qui contribuent au succès. Tyler Seguin, 18 ans, et Jordan Caron, qui vient d'avoir 20 ans là, il y a deux semaines. Et puis, dans le vestiaire, pas loin d'eux, il y a un vieux grand-père là, qui rôde sur eux, qui veille sur eux, en fait, Mark Rickey, âgé de 42 ans. Iron Man, exactement. Le doyen. Puis ce que j'ai dit à Jordan Caron, j'ai posé la question un peu à la blague. J'ai demandé, ça fait quoi pour un jeune comme toi de jouer, parce qu'ils ont joué sur le même trio en plus, de jouer en compagnie d'un vétéran qui a commencé sa carrière dans la Ligue nationale alors que tu n'étais même pas encore au monde. Même, je pense qu'on va entendre la question et les réactions. On va entendre les réactions des autres journalistes qui étaient là aussi, sa réaction à lui. Je suis avec un gars qui s'appelle Mark Rickey, qui a 42 ans. Comment tu trouves ça de jouer avec un gars qui a commencé sa carrière dans la Ligue nationale alors que tu n'étais même pas au monde encore? C'est certain que c'est spécial, je pense, comme tu dis. C'est un vétéran, je pense que il y en a vu d'autres, là, puis je pense que c'est plaisant de pouvoir jouer avec un gars comme lui. Là, il parle beaucoup, puis comme Patrice, il m'a aidé beaucoup lui aussi. Parce que ça, dans sa réponse, on ne voit pas nécessairement, mais il aurait fallu que vous lui voyiez la face. Il est venu comme avec un grand sourire, puis il trouvait ça drôle, puis il était mal à l'aise en même temps de répondre. Il savait pas trop quoi dire. Là, est-ce que je dis que c'est un vieux? Ben non, je dis qu'il me sert dans mon match. Il est jeune dans son cœur. Il est jeune dans son cœur, exactement. Hey Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. C'est bon, donc rufondnac.com, toujours pour lire vos chroniques et... tout ce qui est du sport et même un peu de tout, couvrir vraiment tout. Et c'est disponible, écoute, un peu partout à Trois-Rivières et maintenant à Québec, le journal papier, l'édition papier de rufontenac.com. Et bientôt en abonnement pour ceux qui n'ont pas la chance de le recevoir dans leur ville. Génial. Merci beaucoup, Jonathan. Pas de plaisir. Bonne semaine. Bye. On s'en va en musique, on s'en va écouter Omnichrome avec la chanson Comme à la télévision. Et au retour, Pierre-Luc nous parle d'Hockey Junior. Vous écoutez les conduites de partie sur C'est fou. Je suis pas même de comprendre. Omnicrom avec la chanson Vedette qui est assez brûlante. Merci. On y va avec le hockey junior puis à Luc. Yes. On est parti, mon gars. On commence avec les cataractes de Shawinigan. Samedi, ils affrontent. Tout en écoute, bonheur, ce début de chronique. Le gars, quel acteur pour pas montrer qu'il est malade et qu'il a la tête qui veut y sauter, là. Go! On est motivé. Let's go. Passe à ma porte, viens me vendre un aspirateur. Je l'aurais pris. Tupperware, tout. Écoute. Ta joie de vivre vient me chercher. Allez, OK, donc on commence tout d'abord samedi. Les cataractes de Shawinigan qui étaient du côté de Rouyn-Noranda. Ils étaient en Abitibi-Témiscamingue la fin de semaine dernière. Deux matchs tout d'abord à Rouyn-Noranda samedi et à Val-d'Or dimanche. Donc dans le premier match contre les Huskies de Rouyn-Noranda, ils l'ont emporté facilement par la marque de 7-3. On remarque que Dave Labrec a 3 buts, 1 passe dans la victoire. Donc un tour du chapeau pour le vétéran Dave Labrec. Benjamin Cazavant a connu aussi une excellente partie avec un total de 6 points dans une partie. C'est excellent. Un but, 5 passes. C'est plus qu'excellent, même. J'en prendrais pas mal. C'est la surexcellence. Maximilien Lossieur, un but, 2 passes aussi. Du côté de Rouyn-Noranda, Jessico Bernard a 2 buts dans la défaite des siens. Les gardiens de but, c'était Gabriel Girard qui affrontait Michael Audette. Gabriel Girard qui a très, très bien fait avec un total de 26 arrêts. Le lendemain, dimanche, ils étaient du côté de Val-d'Or, comme on l'a dit plus tôt. Ils l'ont emporté encore une fois par la marque de 3-1. Cette fois-ci, c'est Maximilien Lessard qui a inscrit 2 buts dans la victoire. Michael Bonneval, le capitaine, 2 passes. Et Anton Zlobin a été crédité de l'autre but des cataractes de Shawinigan. Zlobin qui va bien, là, présentement. Oui, ça va continue. Très bien, là, pour le joueur russe. Donc, ça va très bien pour lui depuis le début. Depuis quelques parties, là, on le remarque encore plus. Gabriel Girard était contre Jacob Gervais-Chouinard dans les buts. Donc, les cataractes de Shawinigan qui, depuis le début de la saison, ont une fiche de 14 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation et une défaite en fusillade. Ça leur donne un total de 30 points. Ils sont en ce moment au 3e rang de la section TELUS. TELUS West derrière le junior de Montréal qui vont très très bien dans les temps qui courent, eux qui sont maintenant rendus là avec un total de 35 points, donc devant qui se rapproche beaucoup là, des Voltigeurs de Drummondville, et derrière les cataractes de Shawinigan, c'est les Olympiques de Gatineau avec un total de 28 points, donc c'est très très serré justement. Dans le fond, au classement. Mais tu m'aurais dit qu'à ce moment-ci de l'année, après presque un tiers de la saison, que les cataractes seraient devant les Olympiques de Gatineau avec 2 matchs en main et seulement avec 5 points de retard du Junior de Montréal qui ont un match en main sur eux. Je t'aurais pas cru. Écoute, du côté des cataractes, vivement 2012 parce que. On a une équipe qui est très jeune présentement et qui fournit vraiment d'efforts. Donc, l'an prochain, ça va être toute une formation qu'on va retrouver sur la glace du Centre Bell. Probablement, ça c'est certain. Mais regarde, une fiche de 14 victoires, 6 défaites. Une défaite en prolongation, une défaite en fusillade. C'est excellent là, pour les cataractes qui n'ont quand même pas le plus gros noyau de vétérans. Là, dans non, les exactement. Rires, on dirait. Et c'était long pour Benjamin Cazavant commencer à son envol, mais ça semble... enfin être parti de son côté, il va être Très les cataractes aussi qui ont une séquence, une excellente séquence en ce moment, qui ont 8 victoires en temps réglementaire. Dans le fond, aucune défaite en temps réglementaire dans les 9 derniers matchs. Donc 8 victoires et une défaite en prolongation. Donc ça va très bien là pour les cataractes. Les matchs en fin de semaine pour les cataractes. Donc tout d'abord ce soir, ils sont de retour au Centre Bionesse après 3 semaines d'inactivité du côté du Centre Bionesse. Ils reçoivent les Tigres de Victoriaville. Donc c'est toujours des excellentes parties entre ces deux équipes là, même si on sait qu'ils ne font plus partie de la même section, mais encore là ça reste des matchs matchs enlevant. Jusqu'à temps que la Ligue junior majeure du Québec refait ses divisions encore là. C'est en plein ça parce que ça c'est toujours à commencer, on dirait. Ça arrête pas. C'est sûr. Donc, tout d'abord, ce soir, je pense que tu vas être du Centre Bionesse. Je promets rien, mais si tout va bien, je vais écrire un texte probablement sur le match et le début de saison des cataractes qui va se retrouver sur l'inconduitdeparti.com après la rencontre, mais je promets rien. C'est pas facile, ma vie. Non, la vie Attends, là, je pleure-tu, moi? Ah non, c'est okay. Ça, je pleure pas. Hey, gars, faut que j'aille aux Alouettes dimanche. J'ai pas le temps de travailler. Là, pis... Veux-tu faire mes travaux de session aussi pour la maîtrise? Ah, ou ben, ça t'intéresse pas? T'es ta maîtrise, c'est fais ça, rien. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, ce soir, reçoivent les Tigres de Victoriaville et demain. Ils reçoivent les puissants Maniacs de Lewiston. Les Maniacs, eux aussi, qui sont en feu dans les dernières semaines. 8 victoires de suite là, pour les Maniacs de Lewiston. Ils sont maintenant rendus au deuxième rang de la TELUS S derrière les Remparts de Québec. Je crois qu'ils sont à 2 points là, des Remparts. Donc, les Maniacs là, qui vont très bien eux aussi là, dans les derniers temps. Faudra surveiller aussi le buteur Étienne Brodeur, depuis le début de la saison, est le meilleur buteur de la Ligue, dans le fond, avec un total de 21 buts depuis le début de la saison. Donc, c'est excellent. Donc, il va falloir surveiller, bien sûr, Étienne Brodeur. Et c'est à remarquer, dans le fond, que c'est à 16h le match et non pas 19h. Donc, pour ceux qui avaient l'intention de se rendre au Centre Bionnet, c'est à 16h et non à 19h. Donc, c'est ainsi pour ce qui est des Cataractes de Shawinigan. On va passer maintenant du côté des Vultures de Drummondville qui avaient 3 matchs dans la dernière fin de semaine. Tout d'abord, vendredi, ils l'ont emporté par la marque de 3-2 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça, c'était tout du côté du centre Marcel Dionne à Drummondville. Le but gagnant a été André Bouvet-Morissette à 4 minutes de la fin de la partie. Donc, ça a été très serré comme match, là, mais une belle victoire des Vultures de Drummondville. C'était le gardien de but substitut Dominique Graham, le deuxième gardien de but qui était devant les buts pour les Vultures de Drummondville, lui qui est en remplacement de Guillaume Nadeau. Du coup, samedi, il recevait la visite des Wildcats de Moncton. Une autre grosse victoire, 4-0 contre les puissants Wildcats. Les Wildcats aussi qui ont quand même un très bon club cette année, malgré la perte de plusieurs jojoueurs. Donc, victoire de 4-0. Guillaume Nadeau a enregistré son deuxième jeu blanc de la saison. Donc, les buteurs ont été Jean-Philippe Mathieu, Rémi Blanchard, Mathieu Guertin et Jonathan Oligny. Dimanche maintenant, ils recevaient la visite ils étaient du côté de Montréal. Donc, je voudrais bataille au sommet entre les deux équipes. Ouais. Avant que tu aies ce match-là, on en parlait beaucoup dans les sphères de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Écoute, j'ai pas les chiffres exacts, mais Voltigeur et Junior de Montréal qui ont joué à peu près 400 matchs en l'espace de 6 jours, là, on parlait, non, ben, je disais, ouais, mais fait, on parlait d'à peu près 8 matchs en 11 jours pour ouais. certains, ouais. sinon 6 en 8. Parce que certains ont fait la Coupe Subway, là. Le défi Subway. Même à ça, très rapproché. Il me semble qu'on aurait pu, du côté de la Ligue de hockey junior majeur, peut-être d'espacer ça un petit peu. Ouais, mais ça aurait demandé une bonne idée du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qui est rarement. Ouais, mais c'est dur aussi là, de faire un calendrier parce qu'il faut dire que ils veulent pas quand même que les jeunes partent trop souvent vers l'extérieur. Souvent, quand ils s'en vont à l'extérieur, c'est souvent la fin de semaine. Ça arrive aussi la semaine, des matchs de semaine. Il y en a plus beaucoup des matchs de semaine maintenant. Il y en a à peu près 3-4, je te dirais. Mais avant ça, il y en avait beaucoup plus. Mais je te dirais que le calendrier à cette heure. Beaucoup plus difficile, là. Surtout qu'on a des équipes qui partent de Rouyn-Noranda à Abitibi jusqu'à dans les Maritimes à l'autre bout. Là. C'est pas facile de faire un calendrier là, avec mais ça. Ça dans ça. Ce cas-ci, c'est qu'il y a probablement eu des matchs de semaine ouais, à travers ça. C'est juste des Subway qui a fait que ces joueurs-là ont dû condenser d'autres matchs. Là. Ouais, mais du côté d'écouter la performance dans justement de ce match-là entre le Junior et Drummondville, le dernier match dans le fond de leur série, ouais. Est loin d'avoir été le meilleur, j'en suis sûr. Là, non, deux équipes épuisées. Ouais. Ben écoute, dans les deux équipes épuisées, c'est le Junior de Montréal qui l'ont emporté. Qui était la moins épuisée. Ouais, ouais. Ils l'ont emporté 5-1 et c'est Philippe Fontaine qui a été la grande vedette du match avec 2 buts. Jérémy Gouchy, Nicolas Chouinard, Philippe Lefebvre et c'est ça, ça a été les buteurs du côté du Junior de Montréal. C'est Jean-Philippe Mathieu qui a été crédité du but du côté des Voltigeurs. Donc, Guillaume Nadeau a fait un total de 25 arrêts, mais la grande vedette du côté des gardiens, c'est Jean-François Bérubé, lui qui a stoppé un total de 30 arrêts pendant le match. Jean-François Bérubé qui est d'ailleurs la deuxième étoile de la semaine avec ses 2 victoires là, dans la semaine. 86 arrêts sur 91 lancés. Donc, c'est environ là, 40 lancés par match. Donc, lui qui a quand même accumulé 2 victoires dans ce match-là. Ouais. Donc, Jean-François Birbé qui va très, très bien. Donc, les Vultures de Drummondville qui ont une fiche de 17 victoires, 7 défaites, 2 défaites en prolongation et 1 défaite en fusillade, un total de 37 points. Ils sont toujours au premier rang de l'Ouest depuis le début de la saison là, qu'ils possèdent ce rang-là. Et pour l'instant, ça va très bien, mais le Junior de Montréal s'approche tranquillement pas vite, en plus avec cette victoire-là. Donc, ça devient très serré là, entre les Voltigeurs et le Junior. Charles Couturier a baissé un peu dans les marqueurs, lui qui était, je crois, 2e ou 3e dans les semaines dernières, maintenant rendu au 5e rang des marqueurs de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec avec un total de 34 points. C'est son compatriote André Pala qui l'a devancé là, avec un total de 35 points. C'est avant qu'il ait été nommé recrue par recrue la plus prometteuse pour le repêchage qui s'en vient du côté de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Oui, c'est ça. Bon, on va reparler. OK, c'est bon. On va reparler un petit peu plus tard. Ça sera pas bien long. Dans le fond, on va terminer avec le match de Drummondville. Donc, Drummondville, tout d'abord, qui ont seulement un match en fin de semaine, affronte l'Océanique de Rimouski. C'est à Rimouski, c'est ce soir. Donc, on va avoir un petit peu de repos là, pour les Voltigeurs qui ont connu des grosses semaines dernièrement. Donc, on parle un petit peu de Victoriaville aussi. Tout d'abord, dimanche, vendredi, ils l'ont emporté 4-2 devant les Wildcats de Moncton. En passant, selon certains commentaires, c'est un des excellents matchs depuis le début de la saison au Colisée des Jardins entre les Wildcats et les Tigres. Donc, un match de chat. Donc ça a l'air que ça a été un excellent match côté vitesse, côté exécution. Il cherchait un match de chat. Il s'est trompé dans son mot. Okay, c'est bon, là je l'ai eu. C'est bon, excuse-nous, on n'a pas eu. Bon, mais écoute, on passe à d'autres choses. Philippe Michael DeVos et Philippe Maillet ont 2 buts chaque dans la victoire. Dimanche, défaite de 6-4 devant les Saguenayens de Chicoutimi. J'ai une imitation ici dans le studio de Nicolas qui imite le chat qui griffe. Donc, OK, un peu sérieux, s'il vous plaît, dans le studio. Donc, allez, vas-y. Hey, on n'est pas correct de te faire ça. Donc, t'es tout, ouais, gros, t'es tout rouge dans le front. Sérieux, ça va te prendre une infirmière après la journée, là, après l'émission. Donc, les Tigres de Victoriaville, ce soir, qui sont à Shawinigan, et dimanche, qui recevront la visite de l'Océanique de Rimouski. Les Tigres aussi, qui ont procédé à un échange cette semaine, ont échangé Olivier Picard aux Olympiques de Gatineau. Donc on va parler un petit peu du repêchage de la Ligue nationale, vas-y. Comme t'as parlé, ils ont sorti les meilleurs espoirs pour la prochaine sélection. On est par ligue encore, ouais. Okay. Donc c'est le premier, ce n'est pas Benjamin Casavant le premier, c'est bien sûr Charles Couturier qui est la première premier espoir là, au repêchage de la Ligue nationale du côté de la LHGMQ, parce que c'est pas le total. Jonathan Huberdeau est le 2e espoir des Sea Dogs de Saint-Jean. Nathan Beaulieu, le 3e. Philippe Dano, des Tigres de Victoriaville, qui est le 4e espoir. Et Olivier Archambault, des Foreurs de Val-d'Or, qui est le 5e. Et à noter aussi le gardien de but, Christopher Gibson, des Saguenayens de Chicoutimi, qui est lui aussi un excellent espoir là, pour le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Donc, la première étoile du match, la première étoile de la semaine, Gabriel Bourret, des Sea Dogs de Saint-Jean. C'est le premier défenseur de la saison à obtenir cet exploit. Donc, il a obtenu 6 points en 2 matchs, qui a aidé son équipe à battre le Titan de Caddy Batters et les Remparts de Québec. Il a d'ailleurs récolté la première étoile dans les 2 matchs. On l'a parlé de la 2e étoile, Jean-François Bérubé, lui qui a eu 2 victoires, 86 arrêts dans ces 2 victoires-là. Et la 3e étoile, Benjamin Casavant, on en a parlé plus tôt, qui lui a une excellente performance contre les Huskies de Rouyn-Noranda avec 1 but et 5 passes. C'est la 3e étoile de la semaine. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles. Ben écoute, je vais te reparler rapidement. Tu parlais du Sean Couturier qui a été classé comme le meilleur espoir au Québec. Ouais. En Ontario, on parle de Gabriel Landeskog qui joue avec Kitchener. Et du côté de l'Ouest, Ryan Nugent-Hopkins, excellent joueur, vraiment très, très, très prometteur, qui joue avec Red Deer. Mais je veux te parler aussi de la Suède. Celui qui est le meilleur classement du côté des Suédois, c'est le défenseur Adam Larsson. Adam Larsson, qui l'an dernier, a affronté les Patriotes au Colisée de Trois-Rivières. Et à 16 ans, t'as déjà une force dominante sur la glace. On en parlait beaucoup, c'était un des très prometteurs. Attendez-vous à ce qu'il sorte très haut dans le repêchage. Peut-être pas avant Couturier, mais parle d'un probablement un top 5, top 10, top 5 facilement pour Larsson. Donc, mais ça a l'air beaucoup moins évident là, à date comparé à l'année passée qu'on avait Seguin et Taylor Hall. Il n'y a pas, plus haut que les autres joueurs qui étaient vraiment meilleurs que les autres. Cette année, on a comme pas vraiment là, de grand le grand espoir. Là, ouais. Un ou deux, c'est vraiment plus serré cette année. Là, non, t'as bien raison là-dessus. Ouais. Puis à Luc. Donc, on s'en va une pause. Et, ouais. Moi, je vous laisse là-dessus, les gars. Je vais vous les. On va prendre un petit sirop. On va te soigner. Lipton, prends un bain chaud. Ouais. Et appelle docteur maman. Du lait. Parfait. Avec du miel. Du lait, du miel. Et, je vous dis bonne semaine. Et à toi, la semaine prochaine. Une mouche de moutarde. Couche-toi sur le côté gauche. Ouais. Parfait. Mets-la au 3. Prends bien de l'eau. Mets-la au 3. Alors, ça va une pause. Au retour, ça sera Phil Doucet qui va nous parler de football européen. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. Bonjour, je suis Michael Bourneval. Vous écoutez la conduite de partie. C'est fou, ça. C'est un jeune goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique à entraînante. Toi, qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? De Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint-Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charme, Saint-Pierre. Luis Mendoza, Miami, Floride. Philippe Doucet, Saint-Cuthbert. Fontaine Louise, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwoo, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Vous êtes de retour à l'inconduit de partie sur les ondes de C'est fou. Il est présentement 10h15. Doucet et Ducharme pour vous servir les 2D, vu que Giroux est parti se soigner. Et un petit peu plus tard dans l'émission, vers 10h30, ce sera nul autre que JP Grenier qui va se joindre à nous parler de football et de la grosse fin de semaine de football qu'on a eue et qu'on va avoir très bientôt. Ben, en fin de semaine, dans le fond. Phil, parle-nous de l'autre football, de l'autre bord de l'océan, s'il te plaît. Oui, il y avait des matchs, justement, en fin de semaine dernière. Des matchs quand même assez importants au classement. Ça commence à se débrouiller un peu tout ça. Là, on commence à passer le premier tiers de la saison. Donc, Tottenham affrontait Blackburn et c'est Tottenham qui l'a remporté 4-2, des buts de Bell. Deux buts de Bell, en fait, à la 16e et à la 75e. Pavlyuchenko à la 42e et le très, très grand Peter Crouch à la 68e qui marque du côté de Tottenham. Également, la riposte du côté de Blackburn est venue de Nelson à la 79e et de Givet à la 89e. Pardon. Ensuite, Aston Villa affrontait Manchester United. Un bon match, un vraiment très, très, très bon match. Ce qui s'est terminé 2-2. En fait, du côté d'Aston Villa, c'est Young sur un tir de pénalité à la 72e et Albrighton à la 75e qui portait la marque 2-0 pour Aston Villa. Et en fin de match, Manchester United qui est revenu à la 80e avec Macheda et Vidic à la 84e. Donc, pour se sauver avec un point, vraiment, Manchester United qui ouvre la machine en fin de match. Et puis, on s'en sort avec la nulle. Du côté de Manchester City, qui affrontait Birmingham City, un match qui s'est terminé 0-0. Donc, un point de chaque côté. Des points qui vont être importants, on va le voir tout à l'heure à l'issue du classement. Stoke City affrontait Liverpool. Donc, Liverpool, après nous avoir donné une bonne performance la semaine dernière, s'est écroulé 2-0 contre Stoke City. Des buts de Fuller à la 55e et de Jones en toute fin de match à la 90e minute. Les Wanderers de Wolverhampton affrontaient les Wanderers de Bolton. C'est une excellente idée d'avoir deux noms d'équipe pareil. Hein? Rough Riders. Ouais, il y a aussi les X-Men et les X-Men dans la division atlantique, ouais, des sports. T'as les Admirals et Admirals dans la Ligue américaine. Il y a dans la KHL aussi le Dynamo de Moscou puis le Dynamo d'un autre endroit. Là, ouais, mais Dynamo, c'est comme genre. C'est spécial le mot Dynamo. Ça veut dire d'autres choses, je crois. C'est pas comme genre les dynamiques. Mais ça veut dire de quoi ou pas de quoi. C'est le même nom pareil. Ouais, mais c'est comme FC, mettons. Ah, ok. Tu comprends? Oui. D'accord. Dans le fond. Tu sais, genre, Dynamo. Non, mais tu sais, Dynamo, il va peut-être dire formation, quelque chose comme ça. C'est possible. Ça. Peut-être que je dis n'importe quoi, écoute, mais je crois que. Wikipédia nous donne ça. J'ai pas de temps. Ah, bon, ça perd. Donc, Wolverine. Je suis sur Facebook et bon, je poke bon, mes bon, amis. Bon, ben, poke, bon. Poke. Alors, tous ceux qui vont recevoir un poke de Nicolas, dis-y de travailler. Donc, Wolverhampton qui s'est effondré, c'est pas vrai, pas en tout, ils sont pas effondrés. Ils ont juste perdu 3 à 2 contre Bolton, en fait. Donc, début de Foley et Fletcher du côté de Wolverhampton et du côté de Bolton, c'est début de Stearman, Elmander et Holden. Ensuite, Chelsea affrontait Sunderland et ça, c'est la surprise de la semaine. Sunderland qui l'emporte 3-0 contre Chelsea. Début de Unuaga à la 45e, Gian à la 52e et Welbeck à la 86e. Donc ça, vraiment une incidence quand même très importante. Everton affrontait Arsenal et c'est Arsenal qui l'a emporté 2-1. Un but de Cahill à la 88e minute du côté d'Everton leur a évité le blanchissage. Du côté de Arsenal, c'est Sagna et Fabregas qui ont marqué. Gary Cahill, si je ne me trompe pas. Oui, en ouais. effet. Du côté du classement maintenant, donc Chelsea trône toujours en tête avec 28 points, mais seulement 2 points devant Arsenal qui, comme on vient de le mentionner, a vaincu Everton. Manchester United suit avec 25 points, donc tranquillement se replace en bonne position, commence à s'écarter du peloton. Manchester City est la seule autre équipe dans les 20 points avec 22. Et ce sont vraiment les 4 équipes en tête là, qui se démarquent. Mais on a Bolton, Sunderland et Tottenham qui sont à 3 points derrière, donc avec un total de 19, Newcastle à 18 et Aston Villa avec 17 points. Et par la suite, ben là, on a une série d'équipes qui sont à 16, 15 et 14 points. Donc, ça commence à se... Qui peuvent déjà commencer à oublier ça. Oui, ben en fait, il y a surtout... Rendu là, on essaie d'éviter la relégation. Oui, c'est ça. Il y a les Wolves et West Ham United là, qui eux, vraiment, vont plus tenter d'éviter la relégation. Pour les autres équipes, on est quand même à quelques points. Là. Tu vois, Birmingham, qui est avant-dernier, est à seulement 15 points de Chelsea. On sait qu'au soccer, 15 points, c'est 5 matchs, en fait. Donc, ouais. ça peut changer rapidement. Dans la Ligue des champions, on n'avait pas de match encore cette semaine, mais je voulais peut-être un peu parler du classement, voir là, quelle équipe espère encore passer. On sait que c'est les deux premières équipes de chaque groupe qui passent en groupe des 16. Et il reste 3 matchs à jouer. Donc, deux matchs à jouer. Donc, dans cette phase-là. Du côté du groupe A, on a Tottenham et l'Inter de Milan qui sont à 7 points en tête. Twente suit avec 5 points, donc Twente est encore dans la course. C'est Bremen qui est largué derrière avec 2 points, donc du côté de Bremen, ça va être plus difficile. Ensuite, dans le groupe B, c'est l'Olympique Lyonnais qui trône en tête avec 9 points, suivi de Schalke à 7 et Benfica à 6. Tel Aviv, seule équipe éliminée officiellement avec seulement 1 point, qui en fait va jouer pour l'honneur pour le reste. Rendu là. Pour le reste de la ronde, groupe C, Manchester United avec 10 points, suivi de Valencia à 7, les Rangers à 5 et Bursaspor toujours aucun point, mais qui peuvent quand même espérer passer là, advenant des défaites de Valencia. Barcelone avec 8 points dans le groupe D, suivi de Copenhague avec 7, Ruben et Panathinaikos suivent derrière avec 3 et 2 points. Ensuite, Bayern à 12 points, seule équipe invaincue encore. Le Bayern dans la Ligue des champions. AS Roma qui suit derrière avec 6 et Cluj et Basel qui sont avec 3 points derrière. Donc assuré du côté de Bayern également de passer, tout comme le Real Madrid qu'on verra un peu plus tard. Chelsea avec 12 points. Trône en tête du groupe F, suivi du Spartak de Moscou avec 6 points. Et également de l'OM, l'Olympique Marseillais, qui a sacré une solide volée à Zilina la semaine dernière, il y a 2 semaines. 2-0 une volée aussi? 7-0. Ah, OK. Vraiment, là, 7-0 ou 7-1. Donc, Marseille qui vraiment s'est replacé dans la course avec cette belle victoire. Zilina qui n'a aucun point, donc qui est mathématiquement éliminé. Real Madrid, 10 points également, équipe qualifiée. Pour la ronde suivante, suit l'AC Milan qui fait une performance très, très, très désolante avec seulement 5 points en 4 matchs depuis le début. Ajax suit avec 4 et Auxerre suit avec 3 derrière. Donc, ces 3 équipes-là vont se battre pour la 2e position. Vraiment décevant du côté de l'AC Milan que j'ai vu jouer et qui m'a emballé tout au long du match contre l'Impact l'an dernier à Montréal. Arsenal dans le groupe H et Shakhtar Donetsk sont à égalité au premier rang. Donc, groupe H qui va être un groupe à surveiller. 9 points les deux, ainsi que Braga qui suit avec 6 points derrière et la Partizan toujours aucun point. Également, ce week-end, cette semaine, la France affrontait l'Angleterre dans un match amical. Et c'est la France qui a gagné 2-1, des buts de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena ont aidé la France à emporter ce match. La France qui commence tranquillement à revenir dans la lumière. Du côté de l'Angleterre, c'est l'énormément long Peter Crouch qui a marqué, même pas avec sa tête, un but à la volée, quand même un très très beau but. Du côté de l'Angleterre, par contre, on avait des absents de taille, là, Frank Lampard, John Terry, Wayne Rooney ou Ashley Cole. Donc, quand même des gros noms. Fabio Capello également qui n'était pas là. Donc, des gros noms qui n'étaient pas là du côté de l'Angleterre. Mais quand même, la France qui va bien, surtout en défensive. Les trois derniers matchs n'ont accordé aucun but. Et là, face à l'Angleterre, seulement un but. Des petites nouvelles de l'Impact en terminant. Donc, l'Impact qui assure sa relève à l'image des clubs européens. Donc, maintenant, l'Académie de l'Impact va avoir trois nouvelles équipes. Donc, se rajoute à l'équipe U21, des équipes U16, U15 et U14. Donc, vraiment, on va y aller beaucoup plus en profondeur. Vraiment comme en Europe, on peut le remarquer. Donc, probablement là, qu'on va pouvoir voir évoluer des joueurs qui ont grandi avec l'Impact, dans la philosophie de l'Impact au cours des prochaines années. Donc, c'est une bonne chose en ce qui a trait, en fait, à l'arrivée de l'Impact en MLS. Donc, l'Impact qui continue son beau travail pour la construction de quelque chose de très, très solide en Amérique du Nord. Prêt à rentrer dans la Grande Ligue. Oui. Hey, en terminant rapidement, je te parle de soccer nord-américain. La MLS, bon, qui en est à ses séries éliminatoires. On est rendu en finale du côté de la MLS. Ce sera, devrais-je dire. Désolé, quand... Moi, je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Mais quand je cherche l'info, parce que j'ai changé de fenêtre, puis je change de fenêtre, bien sûr, on a tous un ordinateur devant bien nous. Sûr. Donc, la finale, ce sera entre les Rapids du Colorado, qui ont vaincu les Earthquakes de San Jose 1-0, et le FC Dallas, qui a battu le Galaxy 3-0, quand même surprenant là, comme victoire du côté de Dallas. C'est intéressant parce qu'on va voir ressortir des équipes qu'on n'attendait pas au début de l'année. Donc ça, c'est quand même bien. On parlait New York-Los Angeles. Non. Donc, content de voir Colorado-Dallas en finale. Alors, la finale sera disputée à 8h30 ce dimanche en direct de Toronto. Ça va être diffusé sur TSN2, pour ceux qui ont le poste. Je me demandais si NBC allait diffuser la partie. Pas NBC, CBC plutôt, vu qu'ils diffusaient les matchs du Toronto FC. Mais non, c'est TSN2. À la place, ce dimanche après-midi, vous allez pouvoir voir du hockey de la Ligue nord-américaine, Ligue américaine plutôt, de hockey sur les ondes de CBC, les Bulldogs de Edmonton contre les Marlies de Toronto. Sur la musique, on va aller écouter Ariel avec la chanson Mephisto, Mephisto. Au retour, JP Grenier se joint à nous pour nous parler de football de la NCAA. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou! insulte. Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Ariel avec la chanson Méfie-toi, Méphisto. Se joint maintenant à nous directement de Sherbrooke, M. JP Grenier. Comment ça va, JP? Ça va bien, les boys, vous? Oui. Good. Écoute, JP, tu vas nous parler de football de NCAA là, d'ici les 5 prochaines minutes. Et après la pause, on va parler du sujet de l'heure, le football québécois, tout ce qui est universitaire, collégial. Donc, vas-y, écoute, je te laisse carte blanche. Pas de problème. Donc, cette semaine dans la NCAA, quelques petites nouvelles. Là, tout d'abord, Hawaii, qui est une des équipes les plus fun à avoir joué, là, pour ceux qui connaissent les Rainbows. Oui. Voudrait peut-être quitter le Mountain West pour s'en aller dans la WAC. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Ils sont dans la WAC, okay. Ils veulent s'en aller dans le Mountain West avec le départ de Boise State et les autres gros clubs. Donc, c'est ça, là. Écoute, la WAC qui perd une de leurs têtes d'affiche, ça ferait mal pour eux. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que, vu que la Mountain West est une division pas mal plus compétitive. Ils recherchent peut-être plus d'argent à ce niveau-là, puis ils auront un bowl plus, plus payant. Donc, ce serait une grosse perte. Sinon, tu as Jim Harbaugh, l'excellent entraîneur des Stanford Cardinals, qui est le frère de John à Baltimore dans la NFL. Une grosse famille de football d'entraîneurs qui serait peut-être pour son alma mater Michigan. Écoute, il a dit que s'il y avait un offre cet hiver, il pensait sérieusement, on sait bien que Michigan, avec leur excellent début de saison, on voyait gros, puis finalement, tranquillement, pas vite, ça s'écroule, là. Donc, écoute, Rodriguez, c'est sa dernière année de contrat, on sait pas si on va le renouveler, donc, à ce niveau-là, ça serait intéressant. Les trois matchs à l'affiche cette semaine que j'ai retenus, t'as Wisconsin contre Michigan, Ohio State contre Iowa, Stanford contre California, puis c'est ça. Le BCS ranking, ça a toujours pas changé, là. Écoute, t'as tout le temps TCU, Boise State qui sont 3-4, avec Oregon puis Auburn, premier, deuxième. Donc, écoute, ça se fait la lutte, ça va être chaud jusqu'à la toute fin. Je pense pas que ça change cette semaine, là, Nicolas. Il y a pas des gros matchs à l'affiche, là. C'est vraiment des petits matchs de petite division. Semaine, Non, c'est ça. Sinon, pas grand-chose côté NCAA, là. C'est pas un des matchs que je vous ai sortis les plus excitants qui vont probablement aussi être à télé qu'on va pouvoir pogner parce que, c'est, dans le fond, c'est dans la région de Détroit, là, c'est dans la région proche. Donc, écoute, c'est pas mal ça. Il n'y a pas eu de controverse vraiment cette semaine. Là. Ben écoute, je te parle d'un match qui va avoir lieu cette fin de semaine entre Northwestern et Illinois. Ça va se dérouler à Chicago, au Wrigley Field. Donc, okay. Si tu vas chez ESPN, il y a la photo du terrain qui est placée là, présentement. Écoute, et tu sais ce que ça a l'air, un terrain de football sur un terrain de baseball. Il reste tout le temps beaucoup de place. Donc, spécial comment c'est fait, mais c'était intéressant. J'ai hâte de voir ça. Mais il y a un côté d'estrade. Écoute, le côté qui donne sur le champ gauche qui est absolument comme beaucoup trop loin, là, dans le fond. Là. Mais de l'autre côté, on est proche quand même là, de l'autre côté, proche du terrain. Le Wrigley Field qui sort de plus en plus à des événements quelconques, là, hockey, football, baseball. Écoute, un stade de vieux comme ça, avec tellement d'histoires, je trouve ça intéressant. Écoute, ça va être intéressant pour les gens de Chicago, eux, qui prendront certainement pour Illinois, dans le fond. C'est Northwestern. Northwestern est une grosse université là-bas. D'après moi, ça va pas mal être en terrain neutre, finalement. Ben, Chicago... Chicago, c'est en Illinois? Non, attends une minute. Qu'est-ce qui est en Illinois? Chicago, c'est en Illinois. OK, c'est beau, j'avais un blanc. Je suis pas sûr qu'il y a Northwestern aussi. Oui, c'est ça, c'est Northwestern qui est local, à vrai dire. Donc, Northwestern doit être dans la région de Chicago, là, si j'avais... Mais oui, comme tu dis, ça risque d'être un match neutre. On parle aussi de... J'ai vu Army qui va affronter Notre-Dame, si je me trompe pas. Et ça va être disputé au nouveau Yankee Stadium. OK. Donc, pas Army, excuse, Navy, qui va être disputé au Yankee Stadium. Le fameux affrontement... Non, pas Army-Navy, mais... Non, Notre-Dame-Navy, qui est quand même un affrontement majeur, là, une grosse rivalité. Écoute, si on remonte à environ 100 ans, là, ça fait longtemps, c'était tout le temps les deux grosses équipes qui s'affrontaient. OK, bon, oui. Ça a changé les temps, là, maintenant. On sait que les programmes militaires de l'NCA, c'est pour... écoute, c'est pas ce qu'il y a de plus fort, là. Les gars, c'est des athlètes, c'est pas des joueurs de football, là. C'est des militaires. Donc, écoute, dans le temps, c'était comme. C'était un honneur, là, de jouer pour cette équipe-là. Donc, ouais. Donc, t'as raison. Les stades vont être spéciales en fin de semaine. Exact. Donc, on s'en va une pause. Au retour, tu nous parles de. Ben, de tout ça, là. Football canadien. Football canadien, surtout football québécois. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Bon. Il était beau, il était fort. C'est fou, ça. Un peu nono, un peu coquin. 89 mois. Chien à moi, c'était mon grand ami. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Ici Sébastien Benoît, Pierre Ambert. Alors, on est à l'écoute présentement de... Vous êtes toujours à l'écoute de l'éconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. C'est ça qui arrive quand je pars une toune sur YouTube. J'ai droit à une pub qui se pointe en plein milieu de quand je voulais pas. Donc, écoute, on va aller en musique quand même. On va aller écouter Flowbots avec la chanson Handlebars. L'éconduite de partie, c'est fou! I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, look at me. Hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the pads are all crooked D. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friends are platypus. Me and my friend made a comic book, and guess how long it took. I can do anything that I want, cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone. On the telephone, on the telephone. Look at me, look at me. Just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule of a. Alors, on est de retour à Nonde. Sur les allons-y, allons-y avec. Allez, je t'en ai, j'ai fait plus de ça de là. C'est fini. Gars, c'est fini. Écoute, c'est ce qui arrive. C'est les joies de la technologie, c'est. Écoute, il y a deux ans, j'ai eu le droit aux mouettes. Toi, t'as le droit à la toune qui coupe en plein milieu. Donc, chacun son tour. Et JP Grenier va se rejoindre bientôt à nous aussi, là, présentement. Donc, malheureusement, n'est plus en onde. Hein, quand ça va bien, ça va bien. Hein? Donc, il devrait se rejoindre bientôt. Ben écoute, on peut commencer. Parler... Ben écoute, je vais te parler du bol d'or là, qui s'est déroulé cette fin de semaine. JP, es-tu avec nous? Yes! Ah, ok, hey, écoute. Oh, d'après moi, c'est Sébastien Benoît. Hein, écoute, sacré Sébastien. Hey, c'est dommage, j'ai mis ça le bain. Donc, on avait commencé à parler du bol d'or avant que tu nous emmènes vers le sujet des sports universitaires du Québec au niveau football. On va parler, bon, vendredi dernier, 12 novembre, c'était au niveau du Juvenile 3. Ça se déroulait dans ton coin, Bishop? Ouais. C'était l'école secondaire Curé-Antoine Nabel qui affrontait le collège Notre-Dame. Victoire de 17 à 4 du côté de Notre-Dame. Le samedi, c'était encore du côté de Bishop, du côté du collégial 3. Donc les gros matchs se retrouvaient du côté de Bishop. C'était les Cheetahs de Vanier qui affrontaient les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Un match très serré qui s'est fini 31-28 du côté de Vanier. Félicitations aux Cheetahs pour leur victoire. Le soir, au Parc Cividec de Sherbrooke, c'était le campus Notre-Dame et les volontaires de l'endroit du cégep de Sherbrooke, les volontaires qui remportent le bol d'or pour une quatrième fois d'affilée, un four-peat par une marque de 28-21. Félicitations à eux. Et finalement, dimanche, au collégial 2A, division 2, André Grasset affrontait Lionel Groulx. André Grasset qui avait dans ses rangs Danny Machocha, nouvel entraîneur des Carabins de Montréal, qui l'ont emporté facilement 47-14 face à Lionel Groulx. Alors, vas-y, JP, avec le football universitaire. Oui, gros match en fin de semaine. Sherbrooke qui affrontait Laval à Québec. J'y étais. Écoute, on a failli causer la surprise. Ça va, puis Alex? ça va, JP? Oui. Pas trop déçu? Ben écoute, on était déçus parce qu'on a passé si proche de peut-être remporter la victoire que si on s'était fait éclater, genre, mettons, 30-7 comme Bishop la semaine d'avant. Écoute, il y a eu quelques décisions de coaching qui ont été bizarres. Comme quand on a marqué le toucher, pourquoi pas y aller avec deux points? Là, de toute façon, on perdait déjà. Je pense qu'on aurait dû y aller pour avec le tout pour le tout. Finalement, ça, ils l'ont pas fait, mais tu sais, c'était quand même 18-17. Là. Écoute, les gens de Québec, ils ont vraiment eu la frousse. C'est ce qu'ils nous disaient là, après le match. Puis, ils ne s'attendaient pas à avoir une opposition aussi forte de notre part. Je pense pas que personne ne s'attendait à une opposition de la part de Sherbrooke, sauf Sherbrooke. Exact. Qui eux, ils allaient là pour gagner, définitivement. Exactement. Ils ont sorti un gros match quand même. Là. Rougeard, ils n'ont pas été si efficaces que ça. Puis, écoute, on a dit qu'on était à environ 400 dans la foule de Sherbrooke. Sauf que je pense pas que les chiffres sont bons. On semblait pas mal plus que ça. Puis, on faisait vraiment de bruit. Fait que ça a peut-être dérangé un peu Québec, là. Écoute, gros match, c'est le dernier match dans la carrière de certains gars, là, donc c'était pas facile après sur le terrain. Pénomé Chouari, entre autres, là. Ouais, mais écoute, quelle mauvaise gérance de l'horloge de la part de Laval. Puis en fin de match. Incroyable. À la place de mettre le genou au sol, on essaye des essais. On est obligé de. On perd le ballon. Le Vaillard reprend avec poignée de seconde. On a peut-être été un peu cocky là-dessus. Oh, là, oui, un peu. On pensait que ça allait être. C'était fini puis c'était facile. Puis finalement, non, pas vraiment. Puis écoute, regarde, on s'est mis à environ 5 sur Campo Charbonneau. C'est normal, c'est le gros joueur de la Sherbrooke, pardon. Sauf que, écoute, regarde, c'est ton meilleur joueur, tu y vas. Est-ce que Chouari a pris la bonne décision? Oui. On aurait tout fait pareil. Dans le hockey, t'envoies ton gros joueur à fusillade, puis c'est la même affaire au football. Là. Donc, écoute, je suis vraiment fier des gars de l'équipe qui ont fait, surtout avec la saison d'anti qu'il y avait eu. Là. Donc, écoute, gros match excitant. Je sais pas à télé, mais nous autres, là, on était sur le bout de notre siège. À télé aussi, là. Écoute, j'étais tellement déçu quand il y a eu le voyons, j'ai juste le mot en anglais, le safety, le toucher de sûreté. Le toucher de sûreté, merci. Mais ça aussi, quelle mauvaise décision. Ouais, ça aussi, ça, c'était. Laisse le ballon sortir. Ouais, puis en même temps, quel gros jeu de Frédéric Plaisius, meilleur joueur défensif de la ligue. Tu as vu, il a couru après, puis il l'a plaqué assez facilement, là, que il n'y a pas grand monde qui aurait fait ça dans la ligue, là, donc. Gros jeu, puis rendu là, c'était des essais-erreurs quasiment, parce que... Ouais, j'ai vu. Écoute, c'est finale, tout peut arriver, puis écoute, on sort grandi de là, malgré que là, je suis pas les bons joueurs. C'est ça, là. Qu'est-ce que... écoute, je ne sais pas si tu peux m'avancer un petit peu sur la relève au niveau du poste de carrière. À date, t'es pas vraiment là, t'as James Goulet qui est pas... qui a pas un gros bras, des bonnes jambes, sauf que ça te prend plus que ça pour gagner. D'un gradin, là, tout le monde de Sherbrooke qui était pour dire qu'on allait absolument signer le carrière de Vanier. Mais écoute, ce gars-là, faut que tu l'amènes. Là. Il y a à peu près les 6 équipes qui vont courtiser. Puis, ça va aider le Varéard aussi, là, la présence en finale contre Québec. Puis, en même temps, puis si tu peux y offrir un poste pour les 5 années, tu dis que t'es notre partant, c'est sûr que ce gars-là... va peut-être avoir un poste plutôt que des équipes comme Laval qui ont encore leur carrière. Même chose pour Montréal. Puis, écoute, non, mais j'aimerais vraiment ça qu'il l'amène. Sauf qu'il faut être réaliste. Là. Il y a des programmes beaucoup plus alléchants pour lui, surtout que c'est un gars de Montréal. Là. Ouais. Ça vous aide pas. Non, de moins en moins, honnêtement. Il y a de plus en plus de gars de Montréal qui vont à Laval, gars de Québec qui vont à Montréal. Mais Montréal, Québec, oui. Mais il y a une rivalité assez incestueuse là avec Sherbrooke. Incestueuse. Écoute, c'est le mot qui a passé à ce moment-là. Non, mais comme JP nous disait la semaine passée, il y a quand même une grosse rivalité entre Sherbrooke, Montréal, et puis même au niveau du collégial. Là, ouais, mais ça... je veux dire, il y a quand même 3 programmes à Montréal. S'il va à Vanier, est-ce qu'il parle anglais? C'est le cas, c'est différent. Là. Il peut toujours se pointer à Concordia. Concordia aussi ont besoin de carrière. si ça dépend dans quelle langue il veut utiliser, puis dans quelle langue il veut évoluer plutôt, et c'est sa priorité au niveau études. Mm-hmm. C'est bien beau si tu vas à l'université, mais s'il n'y a pas le programme que tu veux faire, t'es pas plus avancé. Là. Effectivement. Donc, et du côté de Laval, ben écoute, JP, ça se continue l'histoire de succès du Rouge et Or. Oui, écoute, quand même, il faut leur donner crédit. Là, je suis peut-être parti pris pour Sherbrooke, sauf qu'en même temps, quelle équipe! Une bonne exécution encore une fois. Les unités spéciales, merci. On fait le travail comme d'habitude. Une équipe bien montée, puis on l'a vu encore samedi, là. Ça promet pour l'équipe qui, on l'espère, va ramener la Coupe Vanier à Québec devant leurs partisans. Ça, ça serait incroyable. Ils doivent d'abord battre Western dans la Coupe UTEC. Mais Western, qui joue contre Ottawa, ça s'est fini sur le dernier jeu du match avec un boté. 25, bon match là, du côté du Franklin Stadium. On jouait au Franklin Stadium, l'ancien domicile des... Bien sûr, j'avais une question pour avoir ça. Il n'avait pas été détruit l'an passé? On a détruit une partie des estrades. OK. OK, donc on a détruit, je pense, c'est un côté qui était probablement plus vieux ou quelque chose comme ça, là, je pourrais pas dire. Donc, une partie a été détruite, l'autre partie est encore là, comme tu as pu voir. Et bonne foule du côté d'Ottawa aussi. Les estrades, écoute, étaient pleines. Là, je pourrais pas te dire à quel point, là, mais il y avait du monde à la messe, là, comme on dit. Ben, c'est le fun d'avoir ça parce que, écoute, le football, là, des matchs de qualité, des deux côtés, je sais pas dans l'Ouest, j'ai pas regardé, sauf que, puis non plus les Maritimes, là. Ben, là, dans l'Ouest, c'est encore les Dinos de Calgary qui se pointent, là. Parfait. Donc, gros club, ça. Ben oui. Année pis, après année. Année après année, là, du côté de Calgary, là, les Dinos qui vraiment sont là, qui évolué au stade McMahon aussi, là. Du côté de... Écoute, c'était, là, j'essaie de me souvenir, tu vas m'aider, Danny Brannigan, il évoluait avec Calgary ou c'était avec Queens dans le dernier jeu blanc, c'était avec Queens, hein? Oui. Donc, Eric Glavik va être encore là, c'est ça, je te mélange entre les deux, qui va être encore là du côté de Calgary, donc il y a de l'expérience et attention pour... Écoute, du côté de... Ben, des gagnants de l'affrontement Western-Laval. Oui, c'est ça. Là, Calgary qui va affronter, écoute, j'ai un blanc, là. Je sais pas si tu peux me... J'ai pas le site sur moi. Là. OK, écoute, je te sors ça. Hey, je suis en train de sortir. Il y avait 7194 personnes à Ottawa cette fin de semaine pour le match, là. Donc, une bonne foule, là, quand même, là, quand on se dit que ben, c'est pas Laval. Laval, c'était plein, là? Non, c'était même pas plein. T'es sûr? Ben, c'était plein dans les gradins principaux pis tout, sauf que tu voyais qu'il manquait un peu de monde dans les zones de toucher. Sur le track, c'était pas non plus complet. Moi, je me suis fait dire que les gens là-bas sont un peu tannés de voir l'équipe écraser les équipes, sauf que... Ben, c'est vrai que c'est pas super bon pour le spectacle non plus, là, quand tu y vas pis t'es sûr que ton club va te battre 62-3. Moi, je me suis dit, fait dire par le monde de là-bas que le monde est tanné, que ça devient comme une habitude, fait que le monde perd de l'intérêt. Ah, ouais. Que je trouve que c'est une mauvaise excuse pour pas se présenter. Je veux dire, l'équipe perdrait tout le temps, puis là, ils diront, hein, c'est plate, ils perdent tout le temps, là, ils gagnent tout le temps, puis c'est la même excuse. C'est comme... Gab McGill. Hey, j'ai ton information, c'est les Huskies de St. Mary's qui vont se pointer à Calgary pour affronter les Dinos de Calgary. On parle dans ce cas-ci là, d'un match que je vois vraiment les Dinos d'emporter. St. Mary's qui ont été 6-3 dans la saison, mais c'est du football, ça peut changer rapidement. Là, on le sait, là. C'est 0.4 secondes, ça aurait pu tout changer. C'est ça la beauté du football. Football canadien, en plus, un des règlements qui est comme différent des autres, c'est que le temps, t'as pas le choix de jouer ton dernier jeu, là. OK, ouais. Donc, écoute, les trois essais, Laval ont vraiment, va falloir qu'ils améliorent ça, là. Puis même plusieurs fois dans le match, même chose en deuxième quart, quand il restait quasiment plus de temps pour la demi. À la place, par exemple, gaspiller un jeu de course, non, on essaie la grande passe, c'est comme... On n'est pas arrivé avec une bonne attitude du côté de Laval. Et c'est peut-être ce que ça prenait pour aller chercher une performance ce dimanche. Parce que là, wow, attends une minute, on l'a eu notre avertissement. Là. On voit que, gars, on est de la misère à battre Sherbrooke. Là. Imagine si Sherbrooke l'a remporté. Là. Juste imaginer ça, là, le, ce que ça aurait fait à Québec. Là, tu aurais fait comme tout le monde serait tombé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Patata. Une chance qu'on a gagné du côté de Laval, parce que je maintiens que c'est là qu'on a le plus de chances de l'emporter. Mais du coup, pour la Coupe Vanier, là, rien contre Sherbrooke, mais je pense pas que Sherbrooke avait ce qu'il fallait pour se rendre jusqu'au bout. Mais je pense que le Rouge-Gérard va être une équipe plus concentrée cette semaine. Exact. Hey, chose intéressante du côté d'Éric Lavic, qui est originaire de Pickering en Ontario, joue pour les Dinos de Calgary, mais a joué pour une autre université au Canada, c'est-à-dire les Huskies de St. Mary's, eux autres même. Dans un autre sport ou au football? Au football. OK. Transféré. Donc, ça va être intéressant de voir qu'on affronte son alma mater de son côté aussi. Hey, on va parler de Marc Santerre, congédiement de Marc Santerre. On avait glissé deux mots rapidement. Il y avait beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Ça s'est officialisé. Ça s'est officialisé et ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, disons-le. Non, surtout au niveau des joueurs là, qui n'en revenaient tout simplement pas. On a voulu faire une conférence. C'est quasiment s'ils n'ont pas pleuré, là, je sais pas. Là, mais écoute, grosse décision de l'Université de Montréal et qui voulait peut-être changer son image. C'est surtout ça qui est... qu'on retient, là, Santerre qui était peut-être un paternel, là, qui protégeait tous ses joueurs, même s'il y avait des mauvais résultats académiques ou qui se passait, là, oui, mais Santerre l'avait pas facile du point de vue qu'il devait vraiment faire avec des joueurs qui sont bons. Certains joueurs étaient des joueurs problèmes parce qu'ils viennent de milieux qui sont pas propices à se développer, à être calme, puis être un petit gars calme et riche. Là. Il y a beaucoup de joueurs du côté de Montréal qui viennent des quartiers pauvres de Montréal puis qui obtiennent une chance d'aller à l'université. Mais en tout cas, c'est mon avis. Tu peux pas t'attendre à ce que un gars qui a bénéficié de la pire école primaire et de la pire école secondaire à Montréal arrive et qu'au cégep, je sais pas ce que ça a donné au cégep, arrive à l'université puis soit un étudiant modèle qui se tape des A dans toutes les matières. C'est sûr, sauf qu'en même temps, là, je veux dire, c'est plus comme dans les années 80-90, l'encadrement dans les écoles est beaucoup plus là. Puis je pense que c'est pas une excuse qu'on doit leur donner, là. Je veux dire, ils se battaient sur le terrain, là, je veux dire, il n'y a jamais eu une tentative de sa part d'empêcher ça. Oui, il a déclaré après qu'il trouvait ça malheureux puis tout, sauf qu'en même temps, quand c'est arrivé, là, il y a quelques années, c'était contre Laval, je pense. Ouais, Laval au centre du terrain. Ben, t'as Glenn Constantin qui a comme, je pense, qui a cloué au banc ces gars-là pour le match d'après. Puis, tu sais, ils ont eu des conséquences quand même assez graves, là. C'est vrai. Puis, à Laval, là, je me souviens, là, il y a quelques années, là, Mathieu Bertrand, là, qui était le meilleur carrière au pays, là. Ouais. Il y avait des mauvais résultats scolaires, mais il jouait pas. Mm-hmm. On le benchait? Oui. On l'a déjà benché, je m'en souviens. À cause de ses résultats scolaires, regarde, ça va être ton meilleur joueur. S'il fait pas le travail, c'est comme. C'est un prérequis pour aller à Laval, regarde. C'est la mentalité de la plupart des grandes équipes de foot aussi. Écoute, c'est bien beau ce qui se passe sur le terrain, mais t'es d'abord et avant tout à l'université. Puis je pense que ça devrait être de même partout. Ouais, mais il y a aussi le fait que du côté du terrain, tu parlais d'indiscipline, la réputation et l'image des Carabins de Montréal a tout à été l'image de hors-la-loi, de foutu de merde. Et c'est pourquoi c'était les rois du fanion jaune. C'était écoute, l'équipe la plus pénalisée dans la ligue. Et est-ce que ça se peut, d'après toi, que les fonctionnaires à l'université étaient plus tentés de voir ça? Ben, c'est sûr que ça découle des résultats sur le terrain de l'équipe, toujours poigner des pénalités, et puis en même temps, tu l'as dit, la réputation de l'université était de moins en moins bonne. Est-ce que, d'après toi, l'arrivée de Machocha, c'est un changement à 360 degrés, ou ben c'est plutôt un recul, là, parce que là, c'est sûr que l'an prochain, là, déjà, les joueurs disent qu'ils veulent pas jouer pour un nouvel entraîneur. Ça, je suis plus ou moins d'accord. Ouais, c'est ça. Puis ça semble s'être calmé, là, un petit peu, là. C'est juste là, sur le coup de l'émotion, là. C'est garde. Puis en même temps, les gars, mettez-vous à place des dirigeants de l'UDM où ce que là, tu t'en masses avec un Danny Machocha qui est disponible, qui a envie de venir à ton. Tu sais, il est chez eux. T'as la possibilité, là, de complètement changer bout pour bout ton programme de football avec quelqu'un de très, très, très compétent, là. Puis lui, il l'a dit en plus, là, il veut finir sa carrière, ouais, là. Il veut même pas aller d'impro. Fait que, tu sais, t'as pas un gars qui a son but, c'est de s'en aller d'impro, retourner là d'ici 3 ans. Donc, cet entraîneur-là va pouvoir se donner comme à temps plein dans le développement dans de son équipe, aussi, des joueurs, plutôt que chercher les résultats tout le temps pour lui avoir une bonne image d'entraîneur puis retourner au niveau professionnel. Et vois-tu, du côté de RDS.ca, on a sorti un article ce matin disant que les joueurs, après avoir boudé, et après, il y en a comme tu disais, qu'il n'était pas question de jouer là, jouer pour Machocha, on commence lentement à se rallier à Machocha, retransonner qui a donné son appui à Danny Machocha. D'un autre bord, c'est ton coach, c'est ton coach, sinon... C'est lui qui décide si tu joues ou non. Là, fait que... C'est ça, mais bon... À moi, c'est plus du PR, la façon... La part des joueurs, là, je veux dire, t'arrêtes pas de dire que ton entraîneur, c'est un ci, c'est un ça. Après, le problème, c'est que le jeune, il jouera plus, là, je veux dire... Tu l'as dit, ils sont là pour jouer parce qu'ils viennent pas nécessairement d'un milieu. Si c'est une chance pour eux unique d'avoir une éducation puis de jouer au football en plus. Ah ouais. Fait que, tu sais, pas ça aux toilettes, là. Mettons, là, que ces gars-là sont pas dans l'équipe de football. Est-ce qu'ils sont à l'université? Certains oui, certains non. Certains, ben, pour certains que c'est non, c'est sûr qu'eux, ils se mettront pas l'entraîneur à dos, là. Ouais, non, c'est ben, ou s'ils le font, ils sont stupides. Puis en même temps, Danny Machocha, il a un bon CV. Ah, oh, oui, oui. Quelqu'un qui arrive de nulle part, puis personne ne connaît. Puis écoute, le gars, il a gagné dans tous les niveaux qui est passé. Puis j'aime pas vraiment Montréal, là, sauf que je suis prêt à vraiment y donner une chance, puis je suis content de son arrivée. Là. En tout cas, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec le programme dès l'an prochain au niveau des changements sur le terrain, discipline et performance. Hey, je te remercie beaucoup, JP, d'avoir été avec nous. Yes, pas de trouble. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. Toujours le même batteur sur le même bat-chain. Yes. Salut, JP. Salut. Hey, c'est ce qui conclut la conduite de partie pour cette semaine. Pour Philippe Doucet, Pierre-Luc Giroux, Jonathan Bernier et moi, je suis Nicolas Ducharme, JP Grenier. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous visiter, c'est le www.inconduitedepartie.com. On se laisse en musique avec Lady Diana des Fatal Picard. Bonne semaine, tout le monde. Sur mes coussins à hausse de soie, ton sourire en point de croix, sur mes serviettes de pain, mes draps, me rappelle. Elton John et sa chandelle dansent dans le vent, comme toi maintenant.